Huitièmement, Jean à Padmos, Manu rêvant sur les Védas, n'ont rien vu de pareil à ce que je raconte. Comme après un nuage, un autre brouillard monte, je vis alors, monté de l'abîme obscurci, un autre amas, informe. Et l'ange dit « Ici !» Et ce groupe arriva, confus comme une ville, devant la clarté sombre et toujours immobile. C'étaient des millions d'hommes bardés de fer, comme Bordeaux en vie, du temps de Gaïfer, cavaliers, fantassins, multitudes fatales, aux cris rauques, aux pas lourds, aux statures brutales, à l'œil stupide, ayant des chiffres sur le front. Quelques-uns ressemblaient au hibou, à l'œil rond, d'autres au léopard hurlant dans sa tanière. Ils étaient tous vêtus de la même manière. Ils étaient teints de sang, des cheveux aux talons. Noirs, pressés, ils venaient, sauvages bataillons. Leurs armes m'étonnaient et m'étaient inconnues. Ils surgissaient en foule et par mille avenues. C'étaient des légions et puis des légions, flots d'hommes inondant ces mornes régions, chaos, têtes sans nombre, au loin diminuées. Les croupes des chevaux se mêlaient aux nuées. Ils traînaient après eux des chariots d'airain avec le roulement d'un foudre souterrain.